commençons cette balade en France par le Mont Saint-Michel, la merveille de l'Occident. On vient de partout pour admirer ce rocher de granit qui semble jaillir de l'océan. Situé dans le département de la Manche, en Basse-Normandie, le Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage et nombreux sont ceux qui décident de traverser à pied la baie qui l'entoure. Champs-Élysées vous propose de découvrir ce joyau de la côte atlantique française et d'écouter tout d'abord les explications de Karine Loquet, responsable de l'Office du tourisme, qui nous dit que l'histoire du Mont Saint-Michel est étroitement liée à celle de son abbaye, dont les premiers travaux ont débuté au 8e siècle. En fait, c'est à partir de 708, donc on peut parler de l'art pré-roman pour la première pierre qui a été posée. La petite histoire ou légende, c'est l'évêque Saint-Aubert d'Avranches, qui est une ville à 20 km d'ici, qui a reçu un appel de l'archange Saint-Michel qui lui a commandé de construire un premier lieu religieux ici. Et donc c'est une œuvre séculaire puisque l'église abbatiale date du 18e. On peut bien évidemment visiter cette merveilleuse abbaye tout au long de l'année. Il existe trois types de visites. Soit visite libre, vous avez un parcours fléché, donc là on découvre la merveille, toute la partie gothique avec les logis abbatiaux. Soit les visites guidées d'une heure, donc commenter toujours la partie gothique. Et puis, bien sûr, le plus intéressant, le plus complet, les visites conférences. Donc, on traverse plusieurs siècles d'architecture, du pré-roman jusqu'au gothique flamboyant. Sur le mont, seuls quelques moines bénédictins résident en permanence, plus une poignée d'habitants dans les maisons de la commune. Il y a environ 30 personnes, 30 à 35 personnes qui vivent ici à l'année. Vous avez les gardes champêtres, les personnes qui travaillent pour l'État, donc la Caisse nationale des monuments historiques, et quelques personnes qui sont propriétaires d'établissements. Abbayes, musées, hôtels, restaurants, artisans, boutiquiers sont autant de points d'intérêt du Mont Saint-Michel qui accueille plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, dont près de la moitié sont des étrangers qui prennent plaisir à se promener dans les ruelles et sur les remparts. Karine Loquet nous parle des spécialités gastronomiques du site. Alors, vous avez l'agneau de présalé, bien sûr. L'omelette de la mère Poulard et puis les biscuits de la région. On dit que dans la baie du Mont Saint-Michel, la mer avance à la vitesse d'un cheval au galop. Est-ce une légende ou la vérité? Alors, cliché de Victor Hugo, mais en fait, la progression de la mer, c'est 2 mètres par seconde, donc environ 9 km heure. Donc bien sûr, un cheval court beaucoup plus vite. C'est vraiment exceptionnel dans la région, ce retrait de mer, ce reflux? Tout à fait, parce que vous êtes dans la baie. Si on prend des villes comme Granville ou Saint-Malo, vous avez la mer tous les jours. Hein. Et vous ne voyez pas la mer qui recouvre la baie, on ne voit pas ce contre-courant, le mascaré, lorsque l'eau du large rencontre l'eau du fleuve, le Couesnon. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens viennent ici, pour voir les mouvements de la mer. Tout à fait, les Méditerranéens, les Italiens sont très friands de ça, oui. Deux fois par mois, les marées sont exceptionnelles ou deux fois par an, je ne sais plus. Alors, on peut dire deux fois par mois parce qu'il y a des coefficients supérieurs à 100. Donc lorsqu'on parle de coefficients supérieurs à 100, c'est-à-dire que la mer arrive dans la première cour du mont. Le fait de venir tous les jours ici sur le Mont Saint-Michel, pour vous, c'est devenu coutumier, ça ne vous impressionne plus. Chaque matin, quand vous voyez ce rocher en face de vous, vous ne dites pas « c'est merveilleux ». Si, je le dis et je le pense. Tout à fait. Même au mois d'août, où c'est un petit peu dur pour tout le monde et pour les touristes et pour nous, vu la grande affluence. Mais lorsque vous voyez le soleil qui se lève avec l'eau autour du mont Moupa, c'est vraiment magnifique. Les couleurs changent tous les jours. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de voir le Mont Saint-Michel sous la neige? Oui, il y a 2 ans. On voyait les blocs de glace qui arrivaient dans le Couesnon. Le Mont Saint-Michel et sa baie sont inscrits par l'UNESCO dans la liste des sites du patrimoine mondial culturel et naturel. Rien d'étonnant donc que des milliers de personnes aient envie de découvrir ces lieux en marchant sur la grève. À Genet, dans le nord de la baie, Serge Neveu a ouvert la maison du guide découverte du Mont Saint-Michel et de sa baie. Aux Champs-Élysées, nous avons traversé une partie de la baie en compagnie de sa fille Sylvie, l'une des rares femmes guides de la région. La seule qui exerce, pas la seule femme guide, il y en a d'autres qui ont la carte, mais je suis la seule qui exerce depuis l'année dernière l'activité de guide dans la baie du Mont-Saint-Michel. Alors vous êtes originaire de quel endroit, vous, de Genet? De Genet. Je suis née à Avranches et j'ai passé toute mon enfance à Genet. Alors comment on devient guide comme ça de la baie? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de marcher sur une terre gluante où on peut s'enfoncer, rentrer sale le soir? Mais c'est quand même pas un métier de femme ça. Ah si, mais c'est plutôt un métier de cœur, je dirais. On aime ou on n'aime pas. Si on ne peut pas être guide dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel si on n'aime pas, si on n'aime pas l'abbaye, si on n'aime pas le Mont-Saint-Michel, si on n'aime pas marcher, si on n'aime pas aussi avoir froid. Puis le contact humain aussi est important, puisque tous les jours on rencontre des gens qui sont différents, avec lesquels on a des rapports différents. On apprend tous les jours quelque chose. Alors, être guide, ça veut dire que on ne peut pas traverser la baie sans risque. Il faut l'aide d'une personne comme vous. Quel genre de risque on peut encourir quand on traverse la baie sans guide? Ah ben, il y a plusieurs risques. Déjà, il y a le risque d'être pris par la mer. C'est important de bien respecter les horaires de marée, de ne pas partir n'importe quand. Il y a des risques, ça dépend des saisons. Si en hiver, il y a des problèmes avec les rivières, puisqu'on a des rivières à traverser. La hauteur d'eau peut être importante et le courant. Il y a des risques d'enlisement, il y a des rivières qu'on ne peut pas traverser parce que le fond est pas bon, donc on évite, il y a des endroits dangereux, donc il faut les connaître, il faut pratiquer la baie et puis on apprend. Et qui peut être motivé par la traversée de la baie? Il y a beaucoup de gens, des randonneurs, des marcheurs, des comités d'entreprise qui sont intéressés pour le faire. Parce que c'est une approche du Mont-Saint-Michel qu'on n'a pas quand on arrive par la route. On arrive par le côté forêt du Mont-Saint-Michel, on longe les remparts, on voit le Mont-Saint-Michel d'une autre manière. C'est une autre approche du mont. Et puis cette traversée de baie, ben c'est aussi convivial. On y fait des rencontres. Quand on est dans la vase jusqu'au mollet, et ben, tout le monde rigole, ou alors on entend des cris. C'est une sortie conviviale. Il y a des familles qui viennent, il y a aussi des groupes très importants, il y a des gens qui organisent des randonnées dans la baie. Non, ça a vraiment un attrait de plus en plus grand. Et puis on peut méditer, parce que là on est seul, il y a le vent, il y a le cri des goélands, et puis il y a cette nature qui vous prend et qui peut être très sauvage et parfois même vous faire prendre des risques. Mais grâce à vous, Dieu merci, on en sort sain et sauf. Oui, on a des demandes comme ça où les gens veulent se recueillir, notamment à Tomblaine, puisque là c'est l'îlot qui en plein milieu de la baie, donc c'est pour le recueillement, c'est l'idéal. On a des demandes comme ça, hein. Alors ce sont plutôt des aumôneries. On a beaucoup de demandes d'aumôneries qui prennent un guide, je dirais, entre guillemets, privé, qui ne sont pas mélangés avec les autres groupes. Et eux ont un circuit spécial et s'arrêtent tout le long au rocher de Tomblaine pour prier. Beaucoup de personnes s'interrogent quant à la région de France qui peut se vanter d'avoir le Mont-Saint-Michel sur ses terres. Certains disent que c'est le Couesnon qui forme la frontière entre la Normandie et la Bretagne et que par conséquent, le Mont se trouve en Normandie rattaché au département de la Manche. Sylvie apporte quelques précisions. La frontière a été reculée puisque après la dernière guerre mondiale, puisqu'il y avait toujours des polémiques sur ce Couesnon qui faisait donc frontière entre la Normandie et la Bretagne. Et pour éviter donc les querelles de clochers, on a reculé un petit peu la frontière. Écoutez maintenant Jean Boulet, breton d'origine qui a habité 14 ans sur le Mont, mais qui ne désespère pas de voir un jour le rocher changer de région en se plaisant à réciter un vieux dicton. Oui, on dit que par le Couesnon dans sa folie, le Mont est mis en Normandie. Quand il trouvera la raison, il remettra breton. Grâce à la maison du guide découverte de la baie, on peut aller du bec d'Andenne au rocher de Tomblaine, puis au Mont Saint-Michel, à pied, à cheval ou en voiture à cheval. Sylvie nous en dit plus. On est situé à Genêt puisqu'on fait les départs de là-bas, du bec d'Andenne très exactement, comme avaient lieu les pèlerinages déjà au XIe siècle. Ils partaient de Genêt, ils traversaient les grèves, mais là sans guide, donc bon, à l'époque il y avait beaucoup d'accidents, quand on traversait les grèves, c'était toujours en partant de Genêt. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer ça. Bon, bien sûr, maintenant, il n'y a plus les pèlerinages et les gens prennent un guide, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui le font. Mais c'était vraiment un endroit de départ de pèlerinage, Genêt. Sylvie doit beaucoup à son père, Serge Neveu, qui connaît la baie mieux que quiconque et fait partager à ses guides tous les secrets de ce site unique. Bah, surtout, il nous apprend beaucoup de choses parce que lui, il la connaît, il la pratique depuis, je sais pas, déjà moi quand j'étais petite fille, j'ai 38 ans aujourd'hui, et déjà quand j'étais petite fille, il y a 30 ans, il nous emmenait dans la baie à la pêche. Donc, je veux dire, ça a toujours fait partie de notre vie, on trouve ça naturel, nous, quelque part, hein. Donc, c'est vrai que les gens que l'on emmène, on essaie de leur transmettre cet amour de la baie, ce qu'on peut rencontrer, les activités qu'il y avait autrefois qui a pu, la pêche à la coque blanche, ça n'existe pratiquement plus maintenant. Moi, j'ai pratiqué la pêche au coq pour l'argent de poche. Ça consiste en quoi? Ben, on gratte dans le sable pour trouver des coques blanches, les coques de la baie. Et voilà, et on les vend. Et il y a beaucoup de gens qui en vivaient. Hein. Il y a 40 ans, c'était une activité très lucrative dans la baie. On les ramenait, elles étaient vendues par la criée à Granville. On les remettait à un marieur, hein, et c'était vendu à la criée. Et maintenant, on ne trouve pratiquement plus ça. Nous, on a relancé une activité, ça s'appelle la maringotte. Au début de siècle, les gens traversaient la baie du Mont-Saint-Michel en voiture à cheval. Et on a relancé cette activité-là, nous, depuis l'année dernière. On emmène donc les gens à travers la baie, puisqu'au début du siècle, le train passait à Genet, et que les dames avec leurs belles robes ne voulaient pas faire la traversée comme ça. Donc ils prenaient une voiture à cheval, que l'on appelle la maringotte, et qui les emmenait en pèlerinage jusqu'au Mont-Saint-Michel. En hiver et au printemps, il faut se munir de bottes pour traverser la baie. C'est une véritable petite expédition riche d'enseignements. Les premières traversées sont dures, et après c'est une question d'entraînement. On s'habitue, hein. On a plus de problèmes de pieds, puisque bon, on fait la traversée nu-pied. C'est une activité quand même plutôt par temps chaud. Donc en short, pieds nus, toujours un vêtement chaud parce qu'en baie il y a toujours un petit vent. Mais c'est une activité, très saine et très iodée. À mi-chemin entre Genet et le Mont-Saint-Michel se trouve le rocher de Tomblaine, où une nature sauvage attire les oiseaux migrateurs qui y font escale, ainsi qu'une grande variété d'autres oiseaux. Jean Boulet nous en parle. Oui, maintenant c'est devenu une réserve ornithologique. On n'a pas le droit de monter sur le rocher après le 25 juillet. Bon, c'est une belle réserve, c'est vrai. Il y a beaucoup de cormorans, des mouettes et des goélands, bien sûr. Et par contre, beaucoup de tadornes, des tadornes de belon qui sont très jolies comme canards. C'est une réserve qui est intéressante. Depuis quelques années, on parle d'un projet qui semblerait se concrétiser bientôt pour l'accès au Mont-Saint-Michel. Écoutons Sylvie Neveu. Le projet, c'est de faire sauter ce que nous, on appelle la digue route, de façon à ce que la mer encercle le Mont-Saint-Michel et fasse un courant autour pour dégager le sable qui s'entasse. Puisqu'en ce moment, la mer bute de chaque côté sur la digue route. Donc, elle amène le sable, il n'y a pas de courant, le sable reste. Hein, le sable et la vase restent. Donc, ils vont faire sauter normalement la digue route de façon à ce qu'il y ait un courant qui se forme autour du Mont-Saint-Michel pour nettoyer. Et d'après vous, le fait de laisser l'eau circuler autour du mont va creuser, comme vous le dites, et va permettre au mont d'être de plus en plus entouré d'eau? Bah, c'est le but, c'est que même en grande marée maintenant, le mont n'est jamais entouré par l'eau puisqu'il y a cette digue route. Donc à partir du moment où le mont sera encerclé par la mer, déjà il redeviendra une île. Le temps d'une marée, il redeviendra ce qu'il était avant. Écoutons maintenant l'avis d'un bon vieux loup de mer, Jean Boulet. Je pense que les courants vont se rétablir un petit peu et ça va chasser quand même une bonne partie de la vase. Route digue ou pont, l'accès au Mont-Saint-Michel permettra encore longtemps aux nombreux touristes du monde entier d'envahir les ruelles du célèbre rocher pour visiter l'abbaye et déguster la célèbre omelette du restaurant plus que centenaire de la mère Poulard. J'ai tenté de faire dire à monsieur Le Cerf, maître d'hôtel dans l'établissement, quelle était la recette de la dite omelette. Alors là, ça va être un secret quand même. Bon, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est la façon de battre l'omelette, de la cuire, de la présenter. Donc en fin de compte, c'est comme un soufflet, si vous voulez, l'omelette. C'est comme un soufflet, elle est onctueuse, mais elle est à base d'œufs, bien sûr. Qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient? À part les œufs, vous mettez autre chose, c'est pas un secret ça. Il y a des champignons, il y a des lardons, il y a quoi encore? Autrement, elle est cuite au beurre. Elle est cuite au beurre. Je ne peux rien dire de plus. Et la préparation de l'omelette, c'est un peu un spectacle. Quand on monte cette rue unique, cette grande rue du Mont-Saint-Michel, on s'arrête, puisque vous êtes à l'entrée de la grande rue, et on regarde le personnel battre l'omelette. Ah, tout à fait, ça fait partie de la technique pour préparer l'omelette. Je reviens à la question, le secret, jamais? Jamais. C'est dans la façon de battre ou c'est dans les ingrédients? Oh, c'est plein de choses. Et au fait, qui était cette femme, originaire de Nevers, appelée la mère Poulard? C'était la femme de chambre de madame Corroyer. Et monsieur Corroyer était chargé des rénovations de l'abbaye à l'époque. Et donc quand il est venu se rendre compte des travaux qu'il y avait à faire à l'abbaye, il a amené donc son épouse et sa femme de chambre. Et Annette Boutiot, donc, de son nom de jeune fille, a rencontré le fils du boulanger de l'époque du Mont-Saint-Michel, et elle l'a épousé et a ouvert un restaurant. Et M. Corroyer lui a amené toutes ses relations à dîner chez elle, et c'est comme ça que la renommée s'est faite. Et pour quelle raison a-t-elle développé cette fameuse recette d'omelette? Elle avait une prédilection pour ça? Elle avait un poulailler? Oui, elle avait une petite ferme juste à l'extérieur, au bout de la digue. Mais c'était aussi quelque chose de très commode. Ça lui permettait de préparer quelque chose pour les gens qui avaient faim après avoir fait la traversée à pied. Et puis donc, pendant qu'ils mangeaient cette omelette, elle avait le temps de préparer autre chose de plus consistant. Les gens venaient en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, ils traversaient la baie à pied, c'était difficile, on le sait, et ils devaient se restaurer et manger une omelette. Voilà, ils mangeaient l'omelette en attendant, donc on leur prépare un repas plus copieux. Alors depuis, bien sûr, les choses ont changé, l'omelette c'est devenu un prétexte, mais il y a bien d'autres choses, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui font le bonheur du restaurant de la Mère Poulard, c'est devenu un restaurant gastronomique. Nous avons énormément de spécialités, qui se sont basées justement autour de produits régionaux. Comme l'agneau de présalé, que vous avez pu manger ce soir. Vous avez le homard des îles de Chausey, vous avez des coquilles Saint-Jacques qui sont magnifiques dans la région. On dit que l'agneau de présalé, c'est l'agneau que l'on voit un petit peu tout autour du Mont-Saint-Michel, c'est vrai? C'est tout à fait ça, oui. C'est l'agneau qui mange l'herbe qui est arrosée par la marée, et c'est ça qui donne la finesse à la viande. Toutes les célébrités du monde entier viennent au moins une fois dans leur vie pour manger chez la Mère Poulard. Une tête couronnée est-elle reçue différemment d'un simple quidam? Pas de salon particulier, vous avez deux salles, donc une salle au rez-de-chaussée que vous avez ici, et une salle également au premier étage. Et au deuxième étage, on propose un bar panoramique, mais tout le monde est servi de la même façon. Ce qui veut dire que peut-être que sur la chaise sur laquelle je suis assis aujourd'hui, le roi d'Espagne était là. Peut-être. En guise de conclusion, je vous donne deux numéros de téléphone qui pourront vous être utiles si vous décidez de venir dans la région du Mont-Saint-Michel, à deux pas des plages du débarquement en Normandie. Tout d'abord celui de l'Office du tourisme du Mont-Saint-Michel, 02 33 60 14 30, et puis celui de la maison du guide découverte de la baie du Mont-Saint-Michel à Genet, 02 33 70 83 49.